Bonjour à toutes et à tous, il est 10h et vous êtes en direct de Radio Gémozo. Bienvenue dans l'émission Les Oreilles du Monde, proposée par l'association Les Mondes de l'Utopie. Aujourd'hui, avec moi, un petit nouveau, Stéphane. Salut Stéphane. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Bonjour Nanou, oui ça va très bien, merci. Alors, d'y voir Stéphane, on va parler un petit peu de toi du coup. Comment ça se fait que tu te retrouves dans le studio avec nous ? Bon, c'est parce que j'avais envie de participer à cette émission que j'écoutais, que j'ai découvert assez récemment à vrai dire. Mais dont j'aime le principe, puisqu'elle fait découvrir des musiques du monde, c'est pas si courant sur une radio libre. Et tu te souviens comment tu nous as découvert ? Oui, c'est à travers les mondes de l'utopie, l'association. D'accord. Et cette activité. Donc tu as découvert notre émission de radio par rapport à l'asso du coup ? Exactement. Super, super. Eh bien écoute Stéphane, toi tu vas nous proposer une nouvelle rubrique, donc tu vas être présent normalement tous les mois, du coup maintenant. Dès qu'on pourra, oui. Voilà. Et donc, tu nous as proposé une rubrique assez intéressante, la rubrique Label, dont on parlera dans quelques instants. Et moi, je vous propose également une nouvelle rubrique, c'est la rubrique Musique d'enfant. Mais tout de suite, pour introduire Stéphane, un petit extrait des Caravan Orchestra. C'est parti. Et oui Stéphane, j'étais obligée de passer ce petit extrait du coup. Oui, ça me semble nécessaire. Vu que c'est ta première fois à la radio. Oui. Eh bien, je te laisse la parole. Et vu que c'est toi qui as choisi ta rubrique, tu vas tout nous expliquer. Oui, très bien. Bien, cette rubrique sera consacrée au label pour une raison qui est d'ordre circonstanciel. C'est-à-dire qu'actuellement, il est très difficile d'organiser des concerts. Donc finalement, il y a une façon de faire vivre la musique, c'est d'écouter des disques. Et qui fait des disques ? Ben, c'est les labels qui font des disques et qui les vendent aussi. Et donc c'est une façon de leur faire de la promotion. On va choisir des labels indépendants, bien entendu, des labels aussi qui organisent leur propre distribution ou du moins qui ne dépendent pas des grandes plateformes. Donc idéalement, des labels qui vendent sur leur propre site ou à travers Bandcamp, par exemple, des plateformes indépendantes. Alors on a choisi... pour cette première fois, Irustica. D'accord, tu nous en dis un petit peu plus sur ce label ? Oui. S'il te plaît ? J'ai choisi d'abord un extrait musical pour illustrer ce qu'est Irustica. Je crois qu'on devrait finalement commencer par ça. Eh ben allez, c'est parti. C'était Miabadim par Kazout de Tir. Miabadim est un dengekan, un chant traditionnel kurde, donc interprété ici par Kazout de Tir, un ensemble constitué autour du sonneur et trompettiste Gabi Kerdonkuf, fondateur aux côtés de Jean-Luc Thomas du label Irustica. Kazout de Tir rassemble un peu tout l'état d'esprit de cette petite maison de disques basée en Bretagne et portée vers tous les horizons musicaux. Au sein de cet orchestre se croisent la bombarde bretonne, la trompette, l'accordéon, des luths orientaux, comme le saz, et les traditions vocales du Moyen-Orient. Il n'est pas rare qu'en spectacle s'y ajoute un sitar ou des percussions indiennes. Jean-Luc Thomas et Gabi Kerdonkuf ont d'abord créé la compagnie Irunde Rustica en 2003 pour faciliter le séjour des musiciens étrangers en France en leur donnant la possibilité d'obtenir des contrats de travail plus stables sans dépendre directement des organisateurs de spectacles. Puis vint le label Irustica 4 ans plus tard, pensé comme le point de rencontre des musiciens voyageurs, avides de partage et de découvertes. Partons donc de nouveau avec eux, encore un peu plus loin. Mais c'est génial. Ça veut dire qu'ils ont créé une résidence d'artistes qui faisait des contrats aux artistes étrangers, du coup, pour les faire venir plus facilement. C'est exactement ça. Parce qu'en 2003, il y avait eu un gros mouvement des intermittents du spectacle parce que leur statut était remis en question. Et donc, c'est une parade qu'ont trouvé les fondateurs pour effectivement les faire venir plus facilement. Super. Et ils sont en Bretagne, c'est ça? Oui, ils sont où, du coup? Dans le Trégor. Alors, tu peux dans le Trégor, dans le pays lointain du Trégor que nous Vosgiens ne connaissons pas, moi du coup. C'est dans les Côtes d'Armor. D'accord, ok. Oui. À l'autre bout du monde, quoi. Vu d'ici, oui. C'est parti pour la deuxième musique. C'est ça le petit signe que tu me faisais, Stéphane? Oui, c'était ça. Eh ben allez, on y va. voilà. Cette fois, c'était Jean-Luc Thomas, des deux fondateurs, qui nous a emmenés sur sa flûte jusqu'en Inde, chez Ravi Chandra Kulur, un autre maître flûtiste, pour un dialogue intercontinental. Pour Jean-Luc Thomas, la musique est une langue universelle, une expérience où le souffle des notes remplace le vocabulaire, où les gens se comprennent d'instinct d'une façon presque animale. La langue de Jean-Luc Thomas peut même parfois dépasser les limites de l'espèce humaine, comme avec le théâtre équestre Zingaro, avec qui il a travaillé récemment. Il y a perfectionné une approche musicale encore davantage portée vers l'environnement naturel et le vivant en général. Au cours de sa carrière débutée à la fin des années 80, Jean-Luc Thomas a multiplié les recherches et les collaborations au travers de ses voyages avec des confrères du Mali, du Brésil ou d'Irlande. Mais ces rencontres ne se sont pas cantonnées à des échanges entre flûtistes virtuoses. D'autres instrumentistes y ont pris part, comme nous allons l'entendre dans le morceau suivant, « Tous les fleuves se jettent dans le même océan » chez Rustica. C'était Aikin Yara par Serendou. Serendou rassemble, outre Jean-Luc Thomas, deux musiciens africains, à la flûte, au chant et au kamelengoni. Le kamelengoni, c'est l'instrument à cordes qu'on entendait dans le morceau. Donc il s'agit de Yakuba Mumuni, qui est un artiste nigérien, donc du Niger, qui est très connu là-bas, et très connu d'ailleurs internationalement. Les percussions, c'était Boubacar Souleyman, qui est un spécialiste de la calebasse. Ils sont soutenus par un tuba, vous l'avez peut-être entendu, un tuba un peu bouillonnant, effervescent, c'était Michel Godard, qui arrive en fin de morceau et qui donne cette couleur particulière à ce morceau. Un peu comme avec Ravi Chandra Kulur précédemment, on a une rencontre, un peu comme des fils, si des fils se tendaient entre les savoirs de différentes régions du monde. Ouais, c'est exactement ça. Je trouve que l'empreinte folk breton, parfois, est subtile, mais là, enfin, plus ou moins subtile. On l'entend et hop, après il repart, et il relaisse place à la musique du monde, du coup. Et hop, il revient un petit peu et il laisse place. C'est très beau ce mouvement. Très doux. Oui, c'est vrai. C'est subtil. C'est subtil. C'est pas une juxtaposition comme on pourrait s'y attendre, où on met un petit coup d'instrument breton, un petit coup d'instrument africain. C'est tout ensemble. Oui. Ouais. Après, je pense que c'est la flûte aussi qui donne cet effet de subtilité. Certainement. Je pense que la flûte, elle influence aussi cet effet de mouvement doux et fluide entre les influences et les traditions. Oui, d'autant que Jean-Luc Thomas, donc, qui est le flûtiste à l'origine du label et de la plupart des disques, à vrai dire, eh bien, Jean-Luc Thomas, c'est quelqu'un qui aime les rencontres autour de la flûte. En fait, ça se passe un peu toujours de la même façon. Il rencontre un flûtiste, il dialogue et ils font un disque. Et ça sent beaucoup. Ah, oui, je trouve également, oui, c'est vrai. Bien, d'ailleurs, on peut également parler d'une autre rencontre, à nouveau Jean-Luc Thomas, mais cette fois, ça sera une sorte de retour au port. D'accord. En quelque sorte. Ouais. On va aller plutôt du côté de l'Irlande cette fois, avec un percussionniste. Et on va voir que, en toute occasion, on peut faire le tour du monde avec Erustica. Ouais. Et donc, je précise que le titre de l'album, c'est Translation, qui veut dire traduction. Voilà. Oui, et comme Stéphane vient de nous l'expliquer, Jean-Luc Thomas communique avec différents artistes du monde grâce à la flûte. Et là, du coup, c'est traduction, le titre de l'album. Donc, oui. C'est le petit fil rouge. C'est le fil rouge, je pense, de sa carrière, je crois même. Vous êtes toujours en direct sur Radio Guémozo. Il est 10h30 et nous sommes toujours avec Stéphane qui nous parle du label de musique du monde, Hirustica. Oui, c'était en quelque sorte un retour au port pour Jean-Luc Thomas et sa flûte, cette fois en compagnie du percussionniste irlandais David Hopkins, pour Johnny Cope. Alors Johnny Cope, c'est un vieillard celte qu'on joue souvent à la cornemuse. Et il est utilisé dans l'armée britannique pour le réveil des troupes des régiments d'Écosse. Alors là, il s'agissait tout de même d'une version plus pacifique, plus oxygénée aussi, qui donne davantage de poésie au morceau. On a beaucoup parlé de Jean-Luc Thomas jusqu'à présent. Hirustica ne produit pas uniquement des disques sur lesquels jouent ses deux fondateurs. Ainsi, Fawaz Bakker, un oudiste et contrebassiste originaire de Syrie, a fait un album pour le label l'an dernier. Il était venu en concert à Brest en 2012 et il n'a pas pu retourner à Alep parce que l'aéroport a été bombardé. Donc Fawaz Bakker, c'était quelqu'un d'important en Syrie, c'était le directeur du conservatoire d'Alep. Pourquoi tu dis c'était ? Il est toujours en vie ? Il est toujours en France, en fait. Ah, il est toujours en France, ouais, c'est bien. Non, mais parce que j'ai cette MS. Parler des gens au passé, d'accord. Il faut faire attention. Au moins, on sait. Ouais. Précisément, il est à Paris désormais. Ah, d'accord. Et il est resté en France. Sa carrière. Okay. Oui. Donc, c'était le directeur du conservatoire d'Alep. Ah, oui, quand même. Oui. Et puis, voilà, il s'est retrouvé à quai, on peut dire, à Brest, avec 500 euros en poche. Et ben, finalement, il a décidé de continuer à vivre de la musique, cette fois à travers des collaborations en France. Donc, parmi ces collaborations, il y a Hirustica. Et ce fameux disque qu'il va faire avec un ensemble. Il ne va pas faire ça tout seul. Il va faire ça avec donc, des musiciens de Brest. D'ailleurs, le disque s'appelle Alep Brest. C'est exactement ce que j'allais dire. Oui, comme pour rappeler l'origine de sa résidence en France. On va passer deux morceaux, on va les enchaîner. Le premier, il s'agit de Aedlana. Alors Aedlana, c'est un air du XVIIIe siècle de la poétesse Al-Kilawiya. Il a été transmis oralement jusqu'à nous. Et Fawaz Bakker s'est entouré de Manon Courtin et de Elena Rekald pour faire revivre ce morceau et le faire sortir de l'oubli. Donc si je comprends bien, c'est un traditionnel syrien. De la dame, je sais pas qui là. tu peux redire son nom? Al-Tilawiya. Voilà. Al-Tilawiya, oui. Et alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un morceau de tradition orale. C'est-à-dire que Fawaz Bakker nous dit, par exemple, que ce morceau aurait été oublié si on ne l'avait pas joué de nouveau. Il n'y avait plus qu'une dizaine de personnes dans le monde qui le connaissaient. C'est super. Et personne ne l'avait écrit. Oh, c'est génial. Donc, et on a de la chance, hein. Ben oui, heureusement qu'il est là, Fawaz Bakker. Alors paradoxalement, il aime donc faire revivre les morceaux, mais il n'aime pas les écrire. Il a une théorie là-dessus qui se défend, comme quoi la musique, ça se transmet avant tout oralement, de proche en proche, et que ça crée du lien entre les gens. Et pour ça, rien de tel que de jouer la musique en vrai. Ensuite, on enchaînera avec un autre morceau. Que tu nous diras entre les deux, voilà. Pour que je puisse quand même cliquer pour mettre la musique. Ben d'accord, allez. Ça marche. C'était Aed Lana par Fawaz Baker. Alors, on va enchaîner avec un autre morceau qui s'appelle Choubi. Choubi, c'est un morceau de printemps, parce que le disque de Fawaz Baker se décompose selon les quatre saisons. Je ne vais pas aller plus avant dans les explications qui se trouvent écrites à l'arrière du disque que vous allez acheter sur le label irustica.fr, par exemple, ou aussi sur Bandcamp. Vous aurez l'occasion de le faire. Choubi est un morceau classique de Oud. On se retrouve juste après pour les coordonnées du label. Hop, on y va. C'était donc Choubi par Fawaz Baker pour le label Irustica. On retrouve tous les disques de Irustica sur le site d'Irustica, irustica.fr tout simplement. Un bref rappel des morceaux que nous venons de diffuser. En introduction, c'était Kazout de Tyr avec Mia Badim. Ensuite, Jean-Luc Thomas, le flûtiste, avec Ravi Chandra Koulour pour Crossroads. Ensuite encore, Serendou avec Aikin Yara. Jean-Luc Thomas et David Hopkins pour Johnny Cope, morceau irlandais. Et pour finir, deux morceaux de l'album de Fawaz Bakker, Aïdlana et puis Choubi. L'actualité d'Igustica, c'est également un album qui devrait sortir prochainement du Drôme Crez Brez Academy, donc plutôt breton, hein, visiblement. Et voilà, c'en est terminé à présent de cette rubrique. N'oubliez pas d'acheter les disques, vraiment c'est important pour les artistes et c'est important pour les labels, parce que c'est le support économique actuel à privilégier. Et je vais passer la parole à Nanou pour sa rubrique à elle. Et voilà, je vous remercie. Dans l'âge de l'enfance, c'est l'âge féroce. On cloue les papillons, on ampute les mouches de leurs ailes, on noie les fourmis. C'est la faute de l'enfance. Si on est prêt à tout tuer, à tout aimer, ah, qu'il ferait bon vivre de l'enfance, le temps de la découverte et de l'apprentissage. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais ma nouvelle rubrique, c'est sur la musique jeunesse. Et quoi de mieux que ce temps, comme je viens de le dire, pour découvrir et apprendre. Quelle plus belle époque pour s'initier à la musique et à la danse. C'est ce que je vous propose maintenant et pendant quelques mois, du coup. Moi, je m'occuperai que de cette rubrique jeunesse, donc en berceuse, en découverte du folk, du rock, du blues, de la musique du monde, de la musique circassienne aussi. J'ai trouvé un petit bijou de musique circassienne pour enfants et c'est super génial. Du coup, je vous proposerai de découvrir des artistes qui adaptent différents styles musicaux aux enfants. Donc avec des adaptations faites avec des temps plus marqués par exemple, ou alors des arrangements simplifiés, ce qui permet à l'enfant de mieux entendre les temps et par conséquent de s'initier à la musique et à la danse dessus, et aux grands enfants du coup qui ont envie de s'initier. Et je vais commencer aujourd'hui par le folk. Le folk, quoi de mieux que cette musique vivante pour inviter les enfants à découvrir les bonheurs des rythmes et des sonorités du monde. Donc j'ai décidé de sélectionner un ensemble, c'est l'ensemble Tournevire. Donc c'est un groupe assez ancien, j'ai pas trop trouvé d'informations sur eux parce que sur internet ça ne voulait pas charger. Donc je suis assez limitée. Ce que je peux dire, c'est que c'est le label Mazeto Square, du coup, qui le produit. Donc Tournerive, c'est un vieux groupe, je pense qu'il date des années 70, et qui a su adapter sa musique et ses danses aux enfants. C'est trois personnes, énormément d'instruments, donc comme la contrebasse, les percussions, l'accordéon diatonique et chromatique, la clarinette, le charango... Et bien d'autres, et le tuba. Voilà. Donc l'ensemble Tournerive, c'est trois personnes, c'est tous ces instruments, et qui convient leur jeune public aux danses d'Israël, de Russie, de Pologne, en ronde, en petit train ou en farandole. L'ensemble Tournerive fait preuve d'une démarche particulièrement pédagogique avec leurs albums, qui au travers des danses populaires et traditionnelles font éclater la convivialité, le rapprochement par la richesse de ces différences. Et c'est ça qui est magnifique dans fait, le folk, c'est que c'est une musique extrêmement vivante qui apporte la joie, un peu de mélancolie, enfin c'est, et du coup bah, ça éclate quoi. On est ensemble, on danse, et dès que ça vient on a envie de danser. C'est donc, ils font aussi des danses de nos régions et du monde entier, instrumentales ou chantées, à partir de 3 ans. Donc là, je vais vous faire écouter des musiques de leur compilation Le Grand Bal du Monde, qui a été déclarée comme une des compilations les plus vivantes du marché de musique jeunesse. C'est un petit bijou. Sincèrement, c'est un petit bijou. Eh bien, c'est parti avec la première musique folk. C'est une musique traditionnelle d'Alsace, le branle des lavandières. Le branle se danse en ronde. C'est parti. C'était une branle d'Alsace, une musique qui remonte au Moyen-Âge. Je vais vous faire maintenant écouter une musique traditionnelle italienne, Controdanza, Comandare. C'est parti! Thank you. nous continuons le voyage et le rêve avec le Cercle Galicien, une musique traditionnelle de Bretagne. Maintenant d'écouter une musique traditionnelle yiddish de Pologne. Me Quelle beauté, la musique yiddish, un mélange de joie et de mélancolie, pour moi c'est parfait. On va continuer maintenant avec une musique d'Israël, toute douce, c'est parti. Et 35 secondes, vous êtes toujours en direct de Radio Guémozo et je suis toujours en train de vous faire découvrir l'ensemble Tournevire, un groupe de folk qui, avec une démarche créative et pédagogique, fait découvrir la richesse de la musique folk aux enfants en les initiant à la pratique de la danse collective dans une ambiance festive. Nous allons continuer cette découverte avec une musique d'Amérique latine, le Carnaval des enfants. C'est parti! Nous allons maintenant aller en Scandinavie avec une valse suédoise. Tour maintenant aux îles britanniques avec avec cette musique qui arrive tout de suite. nous allons maintenant en Russie avec une musique traditionnelle intitulée « Sur les flots et les mers ». Nous allons maintenant aller au Cap-Vert avec un dernier extrait de l'ensemble Tournevire sur leur compilation Le Grand Bal du Monde. C'est parti pour aller au Cap-Vert avec une musique traditionnelle qui s'intitule Teuil. Thank you. c'était le dernier extrait de l'ensemble Tournevire, qui, je le rappelle, est un groupe de folk spécialisé dans la musique et dans la danse folk pour enfants depuis plusieurs dizaines d'années. Voilà, vous pouvez retrouver plus d'informations sur bayard.fr. Par contre, moi j'ai essayé d'y aller, ça déconne. Donc allez quand même vous renseigner sur l'ensemble Tournevire, vous pourrez peut-être trouver d'autres infos que moi. Et maintenant, vu qu'on a un petit peu le temps, je vais vous présenter un autre groupe de folk, celui-ci, c'est un groupe de folk pour adultes qui ont sorti il y a quelques années un CD pour enfants. C'est le groupe Sanguin. Donc Sanguin, S-A-N-S, plus loin, Gain, G-A-I-N. Donc en fait, c'est le groupe Pas de Fric, quoi, le groupe Pas de Fric. Pourquoi ils s'appellent comme ça? C'est parce qu'ils ont une asso à but non lucratif et que leur but, c'est de faire découvrir et de partager la musique qu'ils aiment et qu'ils découvrent. Donc c'est une bande de copains lorrains qui, en 1964, ils ont fêté leurs 50 ans en 2014, et ça, c'est pas rien. Donc, créé en 1964, 19 albums, CD, 33 tours et 45 tours, cette bande de copains lorrains composée de plus d'une dizaine de musiciens avec plus d'une vingtaine d'instruments, très très riches instrumentalement. Leurs compositions sont super originales, destinées à être dansées comme la bourrée, la scottiche, la mazurka, le cirque circassien et bien d'autres. Et je trouve que ce groupe est super rigolo parce qu'il t'envoie des instruments modernes avec du folk. Donc comme par exemple la musique qu'on va écouter maintenant. Il nous envoie un peu de guitare électrique sur une musique folk de Roumanie, voilà. Donc c'est l'album Folk à plein pot, spécial pour enfants. C'est parti avec la première chanson, La danse du cheval, qui vient de Roumanie. sur le CD Folk à plein pot du groupe Sanguin. Nous allons écouter une musique de Grèce, Asapico, toujours dans les musiques pour enfants. C'est parti, c'est le violet. Hop. La rubrique de musique pour enfants touche maintenant à sa fin. Donc, je vous ai présenté aujourd'hui des spécialités folk avec le groupe Tournevire, l'ensemble Tournevire. Je précise une petite chose sur cet ensemble, c'est que depuis plusieurs dizaines d'années, ils ont fait un travail extraordinaire de collecte de musique traditionnelle qu'ils reprennent eux-mêmes avec des copains à eux aussi qui sont des grands musiciens. Donc, je vous invite vraiment à aller vous renseigner, même dans la médiathèque de votre ville ou de votre village, l'ensemble Tournevire, musique pour enfants. Et après, on a écouté le groupe Sanguin des Mosellans qui font du folk depuis plus de 50 ans et qui ont sorti un CD spécial folk à danser pour enfants. Je remercie la médiathèque de Vanier pour sa diversité musicale dans la rubrique jeunesse. C'est génial, c'est extraordinaire. Si vous êtes, de toute façon, si vous écoutez Radio Gémozo, c'est que vous n'êtes pas très loin de Vanier. Allez-y, peut-être un jour y faire un tour pour voir ce qu'ils ont pour les gosses. C'est sublime. Voilà, voilà. Eh bien, je voulais dire aussi de la part de Stéphane, allez faire un tour sur le site du label Irustica pour voir un petit peu toutes leurs productions, pour les découvrir, parce que c'est en ce moment aussi qu'il faut soutenir les artistes. Oui, tout à fait. Eh ben, il est l'heure de se quitter. Je vous dis au revoir, Stéphane. Au revoir. Alors, ta première, ça a été ? Ah oui, j'ai trouvé ça très bien. Eh ben, donc, on se dit au mois prochain. Bien. Volontiers, oui. On vous embrasse. Prenez soin de vous. Et au mois prochain. Au revoir.